Ma poitrine, écoute, etc. La colline en plein jour, la sautille ma sur poitrine, le cul des écoute, gamines se laissez-te. faire Laissez-nous et sauter accompagne. Laissez-nous et ne pas laissez-nous et écoutez. L'appétit des grises mines. Des ballots, elle sucera. Oui.